Chapitre 10e. Le lendemain soir, nous sommes tous réunis pour déguster une énorme marmite d'écrevisses que j'ai mis tout l'après-midi à préparer amoureusement. Quand j'étais minot, je me suis toujours demandé pourquoi les écrevisses étaient marrons et rougissaient à la cuisson, alors que les langoustines étaient déjà roses quand elles sont crues. Ni mon parrain Séraphin, ni ma grand-mère ne connaissaient la réponse. Quand Séraphin m'emmena prendre des bains de mer, car il me trouvait gris et maigre comme un stockfish, je m'imaginais que les Anglais et les Allemands devaient avoir des liens génétiques avec les écrevisses, puisqu'ils rougissaient également à la cuisson. Aujourd'hui, je me fous complètement que les unes soient brunes et les autres oranges, l'important étant de les déguster, ce que je me garderais bien de faire avec des Allemands ou des Anglais. Ceci prouve aussi bien que dans une famille plus que modeste, les mets et leurs saveurs firent partie de mon éducation bien comprise, au détriment du cinéma, des jouets inutiles et des manèges. Je ne me plains pas de mon enfance entourée d'amour et de délicieuses odeurs de cuisine. Bon, revenons aux écrevisses d'aujourd'hui. C'est vrai que j'ai un peu forcé sur le poivre rouge et sur la pointe, euphémisme, de piment. Avant de les servir, je les flamberai avec une rasade d'un doigt, vertical, d'Armagnac, façon Maïté. Heureusement, j'ai préparé, pour aller avec, du riz blanc, qui servira de pansement stomacal, et un splendide cahour caressera nos papilles pour éteindre le feu de la sauce. Autour de la table, tout le monde aspire, suce, lèche. Les serviettes en papier s'amoncellent dans les poubelles de table et pour l'instant, les couteaux et les fourchettes n'ont pas servi un brin. Tout en baffrant, Louis, qui a l'entraînement mandibulaire et respiratoire des troisièmes mi-temps, arrive à nous raconter l'entretien avec le directeur du centre de post-cure. Permets-moi, lecteur, de relater son propos tel que j'ai cru le comprendre. Louis s'attendait à être accueilli par un homme en costard ou blouse blanche. Que nenni ! Il fut reçu par une grande asperge à la tignasse blanche et bourriffée, vêtue d'une chemise Lacoste délavée et d'un jean lourdage. L'œil du directeur brillait d'un éclat amusé et ironique, comme si Louis sortait tout droit d'un gendarme de Saint-Tropez. Vexé, Louis s'assit sans coulant éprier et fit signe au directeur d'en faire autant d'un signe péremptoire. « Monsieur le directeur, pensez-vous qu'un de vos pensionnaires aurait pu commettre les deux crimes qui viennent de frapper deux victimes en pays viganais ?»« Je suis malheureusement au courant de ces crimes. Mais peut-être vaudrait-il mieux que vous me donniez quelques éclaircissements sur leurs circonstances, si vous voulez que je les rapproche du comportement de mes pensionnaires. » Et Louis retrace rapidement les faits sans entrer pour l'instant dans les détails. Le directeur finit par se prononcer. La déontologie immédiate me pousserait à vous répondre par la négative. Mais a priori, je ne vois pas un de mes pensionnaires fracasser le crâne de deux femmes, comme ça, froidement. Sur le coup de la colère ou d'une pulsion quelconque, je ne dirais pas non. Mais d'après ce que je crois comprendre, il y a préméditation. Il faudrait donc qu'un ou deux de mes pensionnaires aient connu les deux victimes, les aient suivis et se soient mis en chasse. Or, nos pensionnaires ne font que de brèves sorties. Et ne nouent que très rarement des contacts avec la population locale. De plus, j'ajouterai que les traitements qu'ils prennent sont des espèces de camisoles chimiques qui les mettent à l'abri, et nous aussi, par la même occasion, de toute explosion de ce genre. Parlez-moi de la petite mode. J'ai su que vous étiez déjà venu voir notre psy à son sujet. Maud est quelquefois violente, mais elle est incapable d'un tel acte, justement en raison de son traitement médicamenteux. Pourtant, elle sort assez souvent, et noue des liens avec des vacanciers chez qui elle se rend presque chaque jour. Vous savez qu'elle se balade encore avec un tuyau Plymouth dans sa ceinture. Oui, nous le savons, mais ses vacanciers sont toujours en vie, fait-il avec un maigre sourire, et depuis l'agression du jeune homme, nulle plainte n'a été déposée. Êtes-vous capable de suivre les déplacements de vos pensionnaires? De façon précise dans le temps, franchement non, mais nous savons toujours quelles ont été leurs activités. Au cas où il y aura un problème, comme c'est le cas présent. Vous mettez des vélos à leur disposition? Oui. Quelqu'un tient-il un compte de ces emprunts? Non, pas vraiment. Mais en principe, les pensionnaires nous disent où ils vont pour leur propre sécurité. C'est important au cas où le curiste ne réapparaîtrait pas à l'heure voulue. Nous savons alors qu'il est peut-être resté en rade dans une côte ou dans un fossé. Et nous partons avec le fourgon chercher et le malade et le vélo. Mais il n'y a pas que des curistes qui nous empruntent des vélos. Quelquefois, ce sont les intervenants du centre. C'est-à-dire? Eh ben, la prof de musique, le plasticien, la prof de gym, même le père Francis quelquefois. Pour l'instant, on ne nous a jamais volé de bicyclette. Qu'entendez-vous par intervenant ? Ce sont des gens qui viennent animer des activités pour les curistes, le plus souvent bénévolement d'ailleurs. Nous avons Geneviève qui tient un atelier de peinture, Martine qui est une véritable mine pour les jeux de société, et Sarah qui vient faire de la gym et de la relaxation. Sarah, c'est la prof de gym du lycée ? Oui, c'est ça. Elle perçoit une heure de vacation par semaine, mais elle en fait beaucoup plus en réalité. Elle vous emprunte un vélo ? Mais oui, fait le directeur en riant. Je ne vois pas ce qu'il y a là d'extraordinaire. Ça lui permet d'être plus rapidement au lycée, ou d'aller manger un morceau chez elle entre deux cours. Là-dessus, Louis aspire goulûment une tête d'écrevisse et conclut son propos. La prof a donc pu piloter le vélo qui était dans le fourgon de Denise, et c'est tout ce que j'ai appris de plus. « Eh ben moi, fait Serge, je n'ai appris beaucoup plus que toi, mon beau. »« Tu vois, fais-je, je t'avais dit qu'avec nos méthodes de Chiapacan, on en saurait plus que toi. Allez, raconte, Serge. » L'autre jour, avec Gino, on a espionné deux types qui parlaient derrière notre dos à la terrasse du café. Cet après-midi, j'ai offert une limonade à Ludo au même troquet. À la table d'à côté, il y avait un ou deux gars qui buvaient seuls son café en lisant le journal. Et Serge commence à nous raconter que ce qui l'a amusé en premier lieu, c'est l'application que mettait le gars à se rouler une cigarette avec un appareil astucieux à cylindre dans une petite boîte chromée. Quand il a vu le type lécher amoureusement le produit de son travail pour le terminer, Serge n'a pu se retenir d'une réflexion à haute voix. « Eh ben, c'est de la belle ouvrage. »« Ouais, ça me fait presque de la peine de la fumer tellement elle est belle. »« Eh ben, gardez-la comme ça, vous en fumerez une de moins. »« C'est vrai, fait l'homme, il faudrait que je m'arrête de fumer un jour. » Et là, Serge a senti qu'il pouvait tenter d'aller plus loin dans la conversation. « Vous avez lu le journal, je vois ? Il parle encore des crimes ? Non, pas aujourd'hui. Mais c'est sûr que c'est quelqu'un d'ici qui a fait le coup. L'assassin connaissait nécessairement ses victimes et il n'a pas frappé au hasard. D'après moi, ce ne sont pas des crimes sexuels, mais plutôt des vengeances. En tout cas, si j'étais encore en service, c'est de ce côté-là que j'aurais mené mon enquête. Tiens, vous parlez de service, vous étiez dans la police ? Ouais. J'étais inspecteur divisionnaire au SRPJ de Montpellier. Je me suis fait canarder dans une sale affaire de vol de bagnole dans un camp de gitans. Putain, j'ai même pas le temps de me planquer que j'avais déjà une balle dans le genou, du 11-43. J'ai été opéré 3 fois. Ils ont pu m'empêcher l'amputation, mais j'ai gardé la jambe raide pour le restant de mes jours. Et là-dessus, l'homme sort sa jambe de dessous la table pour la montrer à Serge. Voilà, fait-il. Une seconde et c'est la retraite à voleur. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?»« Alors, nous sommes collègues. Je suis commissaire au SRPJ de Marseille, Serge Michou. »« Ah, ben ça fait plaisir. Pierre Fargue, » fait-il en serrant chaleureusement la main de Serge. « C'est vous qui avez fait tomber le rouge avec le commissaire Volpi, non ?»« Oui, Volpi et moi passons les vacances ensemble avec nos familles. »« J'aimerais bien le rencontrer. Vous me le présenterez ?»« Bien sûr. »« Dis-moi, on peut se tutoyer entre collègues. Un serpent cobra, ça te dit quelque chose ?» Pour sûr, ça me rappelle le lycée. Mis en confiance, l'ancien inspecteur fait allusion lui aussi à la bande du Cobra, corroborant les dires des autres témoins entendus jusque-là, mais il fournit à Serge beaucoup plus de détails sur l'affaire. Sarah faisait effectivement partie de la bande. Elle et sa sœur Marlène étaient de beauté qui faisaient rêver les garçons et crever de jalousie les filles. La beauté ou le sex appeal était un des critères d'entrée dans la bande. Les nanas cooptaient les garçons pour leur physique et leurs résultats scolaires, afin de pouvoir résoudre les problèmes de maths et les versions latines, en échange de quelques baisers ou plus, suivant le cas. Les membres du club se considéraient comme faisant partie d'un aréopage de gens beaux et intelligents, arbitres des élégances et des mérites intellectuels, se permettant de juger leurs congénères sans distinction d'âge ou de position sociale. Ils désignaient ainsi des têtes de Turcs et tous les moyens étaient bons pour les humilier, les ridiculiser ou les calomnier. Certains professeurs firent les frais de leur défoulement jubilatoire. Madame Delabre, prof d'anglais, ayant été surprise tendrement en lacet avec le prof de maths, mari et père de 3 enfants. Monsieur Gros également, aperçoit Montpellier, entend dans un hôtel à la suite d'une beauté blonde et coûteuse. Même de simples administrés de la commune firent aussi les frais de leur vindicte. Le boulanger Pascal, soupçonné de mettre de la margarine à la place du beurre, le cafetier Belœil, qui tirait 3 cafés avec la même dose, le père G qui violait sa fille, bref, à côté de la bande du cobra, un vol de corbeau aurait pu passer pour un nuage de colombes. Bien évidemment, ces attaques sournoises s'étaient faites avec grand art, si bien qu'il était toujours difficile de prouver quoi que ce fût contre un des membres de la bande. Leur activité placé sous le double signe du mal et de la lubricité, à l'instar du serpent de la Genèse, connut un essor rapide et ravageur qui suscita malheureusement des émules parmi les malfaisants dont le Vigan, comme toute autre bourgade, ne manque pas. C'est à cette époque-là que Pierre Fargue réussit à sortir avec Denise, qui avait déjà l'épanouissement d'une femme mûre. Sur sa Vespa, puissant outil de drague à l'époque, il balada la belle sur toutes les routes des alentours. L'idylle ne dura guère, d'abord parce que le père Fargue apprécia peu que son fils se répandît partout avec aux fesses une Sophia Loren, ensuite parce que les membres de la secte rappelèrent sévèrement à Denise que les attouchements et fornications devaient se faire en autarcie avec les propres membres de la secte. Enfin, deux événements vinrent casser la belle mécanique de la secte. Le père de Sarah et de Marlène se suicida en se jetant du pont sur l'Arve. Quelques semaines plus tard, c'était au tour de Marlène d'avaler son bulletin de naissance, victime d'une hydrocution après une chute dans la rivière. Fargue ne put pas dire grand-chose sur ces deux morts, car il y avait à cette époque d'autres affaires courantes, occupé qu'il était à butiner les fleurs du patelin et jouer les cacous au guidon de sa Vespa. Le récit de Fargue que Serge nous a relaté nous laisse sans voix tout autour de la table. Chacun de nous se remémore ses propres souvenirs de cette époque-là. Pour moi, c'est mon service en Algérie, la triste agression de Charlie Martens par deux salauds, Guémard et Vergneux. Puis cette affaire étant liée à l'assassinat de ma femme Chantal et de mon fils, je ne réussis pas à éviter ce lourd souvenir qui me déchire encore. Pour moi, c'est certain, cette époque n'évoque aucune nostalgie attendrie, mais bien une affreuse amertume. « Allez, Gino, il fera partir de l'avant, Boulègue, brise le silence. » « À ma femme de pied, » fais-je en plantant mes coudes sur la table, la tête dans les mains. « Je lui conseille de passer te voir demain et de te rendre compte de toute cette histoire, Louis, » dit Serge. « Tu as bien fait. » L'étau se resserre sur cette bande, mais encore une fois, Fargue ne nous donne qu'un membre de plus, la sœur de Sarah, Marlène, et encore, elle est décédée. Je ne vais plus pouvoir faire l'économie du témoignage du seul membre en vie, la prof de gym. Je vois le juge demain après-midi. Je vous parie sans contre un qu'il va la convoquer dans les règles. Il faut s'attendre à ce que la Sarah commence à avoir des ennuis.